لا يجوز له أن يتأخر عن أداء الحج، وليس له أن يؤخره إلى العام المقبل أو ما فوق ذلك. أما المرأة يشترط لها شرطا زائدا، وهو وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن قدر بماله دون جسمه ماذا يفعل؟ إذا كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يتنقل، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يلزمه أن يقيم غيره يحج عنه، أي يوكل أحدا ليحج عنه ويتكلف السفر ذهابا وإيابا. جاء امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيعطيه ما يحتاج للحج، ومن وكل لا يجوز أن يتاجر بذلك، لا يجوز التجارة في هذا الباب. فيجوز للحج أي فيجوز للمرء أن يحج عن غيره إذا هو قد حج عن نفسه. فلك مثلا أن تحج عن والديك إن لم يكن قد حاج، ولكن قبل ذلك تحج لنفسك. وإن من الأخطاء المنتشرة أنك تجد بعض الأولاد صاروا قادرين للحج، لهم القدرة البدنية والمالية، لا يبادرون إلى الحج، بل يرسلون آباءهم للحج أولا، ظانين بهذا الفعل أنهم من أبر الناس، وهذا غلط عظيم. واستبقوا الخيرات، تحج عن نفسك ثم ترسل والديك، هذا هو الواجب علينا يا عباد الله. ومما يقع الكثير ومما يقع كثيرا أن بعض الناس يؤخرون الحج مع القدرة البدنية والمالية، ويقولون: أنا سأذهب إلى الحج إذا صرت كبيرا أو تزوجت. هذا غلط عظيم. الله سبحانه وتعالى فرض عليك الحج بالاستطاعة وسرت مستطيعا. أما من أخر الحج مع القدرة حتى أدركه الموت، فعلى ورثته أن يخرجوا من تركته للحج قبل تقسيمة الميراث، يأخذون من ماله ما يكفي للحج لأداء الحج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. المال مال الله، والعباد عباد الله، ولم يخلقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالصحة وأكرمه بالمال لا يبخل على نفسه، بل يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أنفق للحج أكرمه الله سبحانه وتعالى وبارك له في ماله وفي نفسه. أيها الشاب، لا تستجب لوسوسة الشيطان ودعوته بأنك صغير وأنك ستحج إذا تزوجت أو سرت كبيرا، وما يدريك لعل الموت قريب منك فتموت قبل أن تحج، فالبدار البدار. وأيها الأب الكريم، والشيخ الكبير، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة وإطالة الأعمار والمال، حتى بنيت بيتا أو بيتين أو أكثر، ودورا أو دورين أو أكثر، فجاء وقت الحج، لا تتأخر عن فريضة الله، وكن شاكرا لنعمه سبحانه وتعالى. هذه الدنيا لا تبقى معنا، وإنما يبقى العمل الصالح. أما نصيحة العلماء لمن أراد وعزم على الحج، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتوب وأن ننيب إلى الله سبحانه وتعالى، ليقدم العبد على بيت الله الحرام مطهرا من ذنوبه، ويرد المظالم إلى أهلها، ويستسمح من الناس قبل أن يغادر منزله، يطالب المسامحة من الناس، ويوصي أهله وأولاده وأقاربه، وينصحهم لله سبحانه وتعالى. ويجب عليه أن يترك لأهله وأولاده، ومن يجب عليهم النفقة، ما يكفيهم إلى وقت رجوعه. يختار رفقاء الصالحين من أهل العلم والخلق، ويتفقه في أحكام السفر والحج، كي يحج لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل كل ذلك يصلح نفسه وقلبه، ويخلص عمله لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم أكرم الأكرمين أن ييسر لنا طريق الحج، أن ييسر لنا طريق الحج لنا ولإخواننا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme vous le savez tous, nous approchons du mois du pèlerinage, du mois du Hajj. Nous venons de sortir du mois de Shawwal et nous sommes entrés dans le mois de Dhul-Qi'dah. Et il y a devant nous le mois de Dhul-Hijjah, le mois dans lequel s'effectuera une des plus grandes adorations, une des actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage à la maison sacrée. C'est un pilier de l'islam, une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire en l'an 9 après l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc effectué un pèlerinage, puis il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, après avoir effectué 4 umrah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Allah vous a rendu obligatoire le fait d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Allah a rendu obligatoire aux gens l'accomplissement du pèlerinage vers la maison sacrée. C'est donc un ordre, une obligation émanant du Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit donc se soumettre devant cet ordre divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de cette adoration et de cet ordre en nous disant: l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 fondements, 5 piliers. L'attestation de foi, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a point de divinité étant digne d'être adoré excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Donc le pèlerinage est un pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô vous les gens, certes Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, alors accomplissez-le. Après l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ton créateur est le mien. Tu viens d'entendre l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ton prophète est le mien. Quelle sera donc ta réponse à l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu diras, je suis trop jeune? Est-ce que tu diras, je n'ai pas construit assez de maisons ou assez d'étages? Ou est-ce que tu diras, sami'na wa ata'na? Ou est-ce que tu diras, nous avons obéi, nous avons entendu et nous obéissons? Nous devons accourir vers l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam afin d'obtenir la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Celui qui se trouve dans la capacité physique et pécuniaire se doit de se presser afin de trouver un groupe pour partir au pèlerinage. Celui qui est musulman, qui a la raison, qui est pubère, qui est libre et qui a les moyens physiques et financiers, n'a pas le droit de retarder le pèlerinage à l'année prochaine. Il se doit de l'accomplir dans les plus brefs délais, c'est-à-dire cette année. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Empressez-vous d'accomplir le pèlerinage ». C'est donc un ordre qui ne convient pas de retarder. Car certes, l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. Combien sont les frères et sœurs, mères et pères, qui disaient « Je vais finir ma maison » ou « Je vais finir telle chose » ou « Après avoir fait tel voyage, j'effectuerai le pèlerinage ». Ces derniers sont dans leur tombe, qu'ils soient jeunes ou âgés, qu'ils étaient malades, fussent-ils malades, furent-ils malades ou en bonne santé. Car certes, la mort ne prévient pas. Elle prend l'enfant et laisse vivre la personne âgée. Elle prend la personne en bonne santé et laisse le malade. Et c'est Allah Azza wa Jal qui décrète tout cela. Nous devons donc nous précipiter afin d'accomplir l'action qui plaît à Allah Azza wa Jal, ce pèlerinage. Il y a une condition en plus pour les femmes. C'est le fait d'avoir un mahram, un tuteur qui voyagera avec elle pour effectuer le pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la femme n'a pas le droit de voyager sans mahram. Et l'homme n'a pas le droit d'entrer chez une femme si ce n'est avec la présence de son mahram. Donc si une femme a les moyens physiques et financiers, mais n'a pas de mahram, elle devra attendre jusqu'à ce que Allah azza wa jalla lui facilite un mahram. Si elle a un mahram mais qu'il n'a pas les moyens, elle devra payer son voyage et payer le voyage de son mahram pour qu'il voyage avec elle et l'accompagne. Et il n'a pas le droit de refuser sans cause valable. Et si elle n'a pas de mahram, alors elle patiente. À ce moment-là, le hajj ne lui est pas obligatoire car il lui manque une condition. Dans le cas où elle entrait dans les conditions, mais elle a retardé le hajj, puis elle ne se retrouve plus dans la capacité de le faire car elle n'a plus de mahram. Dans ce cas-là, Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit qu'elle devra charger quelqu'un de l'effectuer et dépenser pour qu'il puisse effectuer le hajj pour elle. Aussi, si un homme a les moyens d'effectuer le pèlerinage et qu'il a des richesses, mais que son épouse, elle, n'a pas les moyens, une question qui est souvent posée, est-ce que ce mari a l'obligation de payer le pèlerinage pour son épouse? La réponse est non. Car cette femme n'a pas la capacité, donc le hajj ne lui est pas obligatoire. Mais s'il le fait, alors une grande récompense l'attend auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais quant au caractère obligatoire, cela n'est pas une obligation. Mais on encourage ses époux à agir ainsi. Quant à la femme, elle, si elle a les moyens, elle a l'obligation de partir au pèlerinage. Donc si elle n'a pas de mahram, elle devra dépenser pour le mahram afin qu'il l'y accompagne. Celui qui a la capacité financière mais n'a pas la capacité physique, que devra-t-il faire? Comme la personne qui est âgée, donc n'a plus la capacité de voyager, ou la personne qui a une maladie de longue durée, de laquelle nous n'espérons pas la guérison. Cette personne devra charger quelqu'un de faire le pèlerinage pour lui. C'est-à-dire à sa place, il devra déléguer une personne qui effectuera le pèlerinage pour lui. Quant à celui qui sera chargé d'effectuer le pèlerinage pour une tierce personne, il n'a pas le droit de demander en contrepartie de l'argent. Car cela n'est pas un commerce, c'est une adoration. Une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, mon père se retrouve dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage, mais il est âgé, il ne tient plus sur la monture. Est-ce que je dois faire le pèlerinage pour lui à sa place? Il lui a dit oui, fais le pèlerinage à sa place. Et parmi les fautes qui sont souvent commises, le fait de trouver des personnes qui payent le pèlerinage pour des gens, le plus souvent pour leurs parents, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas accompli. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Tu dois d'abord accomplir le pèlerinage pour ta propre personne. Puis par la suite, si Allah Azza wa Jal t'a facilité les moyens, alors tu leur offriras le pèlerinage. Mais sachez, chers parents, que si vous, vous avez les moyens, vous n'avez pas le droit de retarder le pèlerinage jusqu'à ce que ce soit vos enfants qui vous offrent ce voyage. Donc l'enfant accomplit d'abord le pèlerinage pour sa personne. Par la suite, si Allah Azza wa Jal lui facilite les moyens, il l'accomplira. Ou bien il l'offrira à d'autres personnes. Celui qui a des proches parents qui sont décédés, celui qui a ses parents décédés, ils n'ont pas effectué le pèlerinage car ils n'avaient pas les moyens. Est-ce qu'il peut accomplir le pèlerinage pour eux? La réponse est oui, bihamdillahi azza wa jal. Tu peux faire le pèlerinage pour tes parents. Et celui qui est décédé avant d'avoir effectué le pèlerinage alors qu'il était dans la capacité, ses héritiers devront prendre de son argent pour effectuer le pèlerinage à sa place. Avant de partager l'héritage, on devra prendre de l'argent du défunt pour effectuer le pèlerinage pour lui. Un conseil aux jeunes: n'acceptez pas les mauvais conseillers et les mauvais conseils du shaitan qui vous dit que votre vie est longue et que vous avez une longue espérance de vie. Alors attendez d'atteindre un âge avancé pour effectuer le pèlerinage. Ceci est un conseil satanique. Donc cherchez refuge auprès d'Allah Azza wa Jal et empressez-vous d'accomplir le pèlerinage. Celui qui a 15 ans est pubère, s'il a la capacité physique et financière d'accomplir le pèlerinage, il accomplit le pèlerinage à 15 ans. S'il ne le peut pas alors à 16 ans, s'il ne peut pas à 17 ans et ainsi de suite. Il ne doit pas attendre d'atteindre un âge avancé. Et certes, dans le cas contraire, il sera dans une grande difficulté car le pèlerinage est une action qui est lourde. Un conseil aux personnes âgées ou à nos chers pères et mères. Vous à qui Allah Azza wa Jal a prêté longue vie, vous à qui Allah Azza wa Jal a accordé des richesses, au point certains d'entre vous a pu construire une maison ou plusieurs, élever un étage ou plusieurs, et il vous faut accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Il vous faut le plus rapidement possible vous soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour effectuer le pèlerinage, sans prétexter la construction d'une autre maison et d'autres excuses qui ne seront pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le conseil des savants à toute personne qui a la ferme intention d'accomplir le pèlerinage: premièrement, le fait d'accomplir un repentir sincère, de se purifier de l'ensemble de ses péchés afin d'atteindre la maison sacrée léger et purifié de tous ses péchés. Il vous faut également demander pardon pour toute erreur commise ou injustice envers vos proches et les autres. Il vous faut également demander pardon aux gens de manière générale, même si vous avez pu toucher des personnes involontairement. Vous avez également l'obligation de laisser à vos épouses, vos enfants et ceux pour qui vous devez dépenser de manière obligatoire, ce qui leur suffira financièrement pour subvenir à leurs besoins le temps de votre absence. Ceci est une obligation. Celui qui a les moyens d'effectuer le pèlerinage, mais il n'a pas les moyens de laisser ce qui suffit à sa famille, ne se trouve pas dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage cette année. Aussi, il vous faut choisir un bon groupe, des personnes pieuses, de noble caractère et de préférence avec des gens de science, afin de vous cultiver dans les règles de jurisprudence du Hajj et du voyage, afin d'avoir un rappel en cas de distraction et un enseignement en cas d'ignorance. Et avant tout cela, bien évidemment, purifier son intention et effectuer cette adoration sincèrement pour Allah Azza wa Jal à la recherche de son agrément. Car dans le cas contraire, Allah Azza wa Jal n'acceptera rien de ton action, rien de ce que tu as dépensé, rien de ta fatigue. Car il nous le dit dans un hadith Qudusi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant un associé dans cette action, je le délaisserai lui et son action, ou bien lui et son associé. Donc cette action est une adoration qui doit être faite sincèrement pour Allah Azza wa Jal. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالحج هذا العام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، واقض الديون عن المدينين وفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.